Ok, bon, mais je pense qu'on va pouvoir commencer cette séance. Donc, bienvenue à tous dans cette deuxième séance donc, du séminaire sur les Digital Humanities que Marin et moi nous animons. Donc, pour cette séance, nous avons invité Lou Bernard, qui est une figure reconnue de la communauté TEI, qu'il a contribué à développer et à fonder. Lou travaille au Computer Services, c'est ça, de l'Université d'Oxford, et en même temps participe aux travaux du British National Corpus, et depuis récemment, travaille à temps partiel pour le TGE à Denis en France. Donc il y a un investissement qui est très important, y compris chez nous. Ce que nous avons demandé à Lou de faire, c'est, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents lors de la première séance donc, du séminaire le mois dernier, Corinne Velger avait fait une présentation du mode de fonctionnement des centres Digital Humanities essentiellement sur la côte est des États-Unis aujourd'hui, hein, le mode de fonctionnement aujourd'hui des centres de Digital Humanities. Donc on avait une approche un peu géographique et synchronique des Digital Humanities aujourd'hui. Et ce que nous avons demandé à vous de faire, c'est de nous donner aujourd'hui une approche historique, sur une profondeur historique du développement, en fait, de ces pratiques et de ces relations entre informatique et sciences humaines depuis, je crois que tu commences dans les années 60, hein, à parler de ce développement. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la proposition de Lou, c'est qu'il propose une périodisation, en fait, du développement des Digital Humanities, enfin, de ces relations. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on va pouvoir explorer à fond aujourd'hui et qu'on va pouvoir discuter. Mais je te passe la parole. Merci. Alors, bon après-midi tout le monde. Je vais essayer de présenter cette intervention dans mon français exécrable. J'espère que vous allez me pardonner mon petit accent à jamais. Et je ferai de mon mieux de trouver les mots justes en français. En plus, parce que tous les transparents sont écrits dans la langue de Dieu, c'est-à-dire en anglais. Et pour cela, j'espère que ça ne vous pose pas trop de problèmes, mais c'est plus aisé pour moi. Donc, comme Pierre vient de dire, j'ai le but un peu ambitieux de présenter un point de vue sur 40 ans à peu près d'histoire que j'ai vécu de ma propre personnalité. Et bien sûr, il y a une chose qui donne un peu de consolation à devenir vieux, c'est qu'on a la possibilité d'écrire la vérité sur l'histoire. Parce que les gens qui pourraient me contredire ne sont pas présents, ne sont plus présents. Donc, j'ai essayé aussi de faire un petit synthèse de ne pas seulement vous présenter un fait après un autre, dans ces temps-là, quelqu'un a fait cela, et après ça, on a fait cela, et après ça, il y a une autre chose qui est venue. C'est pas tellement intéressant, ce genre d'histoire. Donc, j'ai essayé d'extraire de ma connaissance quelques abstractions, quelques principaux un peu plus génériques. Et ce que j'ai noté en réfléchissant sur ces 40 ans passés, c'est qu'il y a toujours une vraie tension. Il y a une espèce de pendule qui balance tout le temps entre deux extrêmes, deux pôles extrêmes, de la manière où on peut se servir des méthodes informatiques dans les SHS. Et je vais parler de ça, mais c'est déjà appliqué dans mon titre. Je reviens sur cela. Mais je commence en faisant témoin du fait qu'on est vraiment dans un âge maintenant qui est numérique, qu'on ne peut pas changer. Et je vais développer ce thème un petit peu avant d'aller dans mes trois âges et les principes qui les ont animés. Et ça, c'est la moitié de mon discours. Finalement, pour concrétiser un peu, je voudrais vous présenter un cas spécifique, dans ce qu'on appelle un case study, de notre expérience à l'Université d'Oxford, qui servira à approfondir un peu l'état courant des recherches dans les SHS informatisés. Et bon, quelques mots pour finir, pour se donner un peu de courage. Ok, alors, c'est ça. Ah, tu vois, marin, ce pauvre point, c'est dégueulasse. Bon, pardon. À mon avis, quand je réfléchis sur ces 40 ans, ce que je vois, c'est une tension contenue, une confrontation, disons, entre le texte et les données. Il y a des gens qui vont vous dire, ben, on peut se servir d'un ordinateur pour faire le data processing, pour manipuler, pour gérer les données. Les données, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est, disons, des chiffres, des faits, des observations, des objets, des tendances statistiques. Par contre, le texte s'exprime d'une autre manière, est composé des autres choses, il est composé des mots, de la langue, des paroles, qui ont une existence tout à fait indépendante de leur représentation dans un format numérique. Par contre, les données numériques n'existent que dans leur expression informatisée, si vous me comprenez bien. Et alors, il y a toujours une tension entre ces deux. Et de temps en temps, la plupart des informaticiens vont vous dire la seule manière de faire, de réussir, c'est de traiter le texte comme si c'était une espèce de données. Comme si, au commencement, quand j'ai commencé, il y avait longtemps, si on voulait traiter un texte de Shakespeare, disons, on a dû taper sur les cartes, et chaque carte comprenait 80 caractères, en effet 72, parce qu'il y avait 8 caractères réservés pour autre chose, mais disons 80. Ok, et ces 80 caractères, pour les informaticiens, c'était le texte, c'était basiquement, c'était le modèle qu'on avait de texte. Un texte contient un grand ensemble de chaînes de caractères de 80 octets. Même pas des octets à l'époque. Ok ? Et ça, évidemment, le texte n'est pas comme ça. Le texte est structuré, le texte a des objets à l'intérieur, le texte a des idées, le texte a des rapports sur les objets et tout ça. Je ne vais pas dire tout cela encore. De l'autre partie, ce qu'ils trouvaient très difficile, les informaticiens, à comprendre, c'est que les données eux-mêmes, ils sont une espèce de texte. Les données ne sont pas objectives. Les données ne... c'est sûr que le chiffre 1, c'est évidemment, c'est un nombre. Ça a une valeur mathématique, mais ça ne veut absolument rien dire sans l'appliquer à quelque chose d'autre. Et dans l'expression de son application, on fait une acte d'interprétation pour savoir que tel ou tel chiffre s'applique à tel ou tel événement, à tel ou tel fait historique, ou je ne sais quoi. Alors, c'est vraiment une difficulté, une tension que l'on trouve toujours au-dessus des méthodes, même très très objectives soi-disant, de faire apparaître le niveau où il s'agit d'une interprétation, donc d'une espèce de travail qui est vraiment textuel. Le texte, ce n'est pas un ensemble d'octets, c'est une chose créée dans la tête du lecteur. Ok. Ça, c'est la thème qui passe dans tout mon discours. Je vais passer ça. Voilà les trois observations d'aujourd'hui. On ne peut pas faire retour. Maintenant, notre infrastructure de connaissance, notre infrastructure scientifique est devenue tout à fait numérique. Il y a des modèles de business, je ne sais pas, les modèles de commercial. Voilà, merci. Qui ont donc tout à fait changé. Et ça serait stupide de continuer à penser que on est toujours dans le monde de l'édition sur papier, par exemple. On n'est plus. À part cela, c'est sûr que les techniques, les technologies numériques, c'est évident qu'ils donnent beaucoup de l'aide, qui nous permet de faire des choses d'une manière plus simple, d'une manière plus efficace, et surtout de gérer les données à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande qu'avant. Et tout cela, ça approche à être non pas un changement quantitatif, mais un changement qualitatif. Et à la fin de ce discours, je vais présenter des idées au-dessus de cette espèce de changement qualitatif qui est venu des changements purement quantitatifs. Alors ça, c'est comme ouverture. Si tu as si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'intervenir. J'en ai pour 50 minutes seulement de présentation et on aura toute la qualité, donc si vous voulez, si vous voulez m'interrompre, j'en serai très content. Si vous ne voulez pas m'interrompre, c'est que je ne dis pas suffisamment de bêtises. Bien. Ok, ben. S'il n'y a pas de questions, je continue. Non, je continue pas. Voilà. Cette numérique inévitable, ça se voit dans le fait que nous autres, si on est chercheur en humanities, si on va faire des recherches sur la littérature contemporaine, si on veut faire des recherches sur la communication quotidienne d'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait se passer des choses qui sont exprimées dans un format numérique? On pourrait, mais ça serait vraiment stupide, quoi. Parce que, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, il y avait un temps, j'écrivais des lettres sur papier. Et je les envoyais à la poste. Je ne fais plus. Tous mes emails, c'est un de ces jours quand je suis. Si on veut, par exemple, faire des recherches sur la communauté scientifique du 21e siècle, il faut absolument avoir la possibilité de gérer les données numériques telles qu'ils étaient à cette époque. Et ça se fait déjà, hein, c'est très important. Donc, les objets de nos sciences sont maintenant irrévocablement numériques, même si les méthodes n'y arrivent pas encore. Mais par contre, à mon avis, les méthodes qu'on applique, ça change tout le temps. Autour de nous, on voit beaucoup de changements dans les genres de méthodes qui sont disponibles et leurs applications. Et un cas spécifique où je vais parler un peu, c'est ce mouvement de l'hypertexte vers ce que j'appelle ici le hyperdata, les données. Okay. Alors, c'est le changement d'un web de documents sur un web des données. La technologie est plus ou moins performante, plus ou moins présente. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, mais ce sont toujours des problèmes sociaux, culturels, politiques, et non pas des problèmes technologiques. C'est ça l'enjeu. Alors, j'arrive maintenant sur mon histoire. Ok. Alors, j'ai proposé que si on commence aux années 60, à peu près, du siècle passé, et j'appelle ce période primaire la période de Literary and Linguistic Confusion. C'est un peu the heroic age, l'âge des héros. Okay. Des héros. Des héros. Ok. Des héros. Ah, le H français. Est-ce que vous connaissez déjà cette histoire? Vous avez déjà entendu du père Busa? Peut-être? Non? Ok. Alors, c'est un jésuite. Okay. Un jésuite. Qui, au fin même des années 40, donc au commencement des 50, il s'est mis en tête l'idée qu'il pourrait se servir de ces grosses machines que l'on avait à l'époque, des IBM mainframe. Et en plus, c'est un jésuite, hein, alors il avait des amis à Rome qui l'ont permis de se servir de l'installation IBM, alors très important, je ne sais pas quoi d'autre qu'il faisait, je peux pas savoir finalement, pour gérer une nouvelle édition du Perrin-Quin. Donc, il a créé un index automatiquement. Alors, d'abord, il a une petite équipe de 5 personnes avec lequel ils ont tapé sur des cartes perforées tout l'ouvrage du Perrin-Quin. Puis, ils ont créé des index automatiquement de tous les mots. Le père Busa, et à cette époque-là, c'était, selon mon avis, à tout ce que je connais, c'était le premier d'essayer de faire de telles choses. Sur la date, environ, c'est en 1949. Oui. C'est quand même... bon, c'était encore l'époque plus ou moins du Colossus de Turing à l'époque, c'est pas... Turing, c'était un peu avant. C'est évidemment pendant la guerre. Mais au niveau de mainframe, de big irons, oui, de IBM, je ne vois pas exactement ce qu'ils pouvaient faire avec. Comme je disais, il s'agissait de 80 caractères, et bon, ils ont fait une recherche. Finalement, ça a pris beaucoup de temps pour faire sortir cet index. Ça n'a pas finalement sorti qu'en 1972. Mais c'est le commencement des travaux. Et ça, c'est un peu. 10 ans plus tard, à l'université de Brown, aux États-Unis, on a créé le premier corpus linguistique qui est très intéressant. L'idée, c'était comment décrire la langue courante. Anglais. Comment est-ce qu'on pourrait se servir de ces gros machines pour faire un index exact de tous les mots dans toutes les variétés de discours? Alors, l'idée est entrée dans la tête de deux linguistes américains, Nelson Brown, qui s'appelait Kutcher and Francis, Henry Kutcher and Nelson Francis. Et bon, ils ont créé une discipline de corpus linguistics qu'on a toujours. Est-ce que peut-être tu pourrais écrire les noms quand tu... Avec plaisir. Comme ça... C'est bon? Ouais, super. Attends. Non, c'est pas ça. Non, c'est... ok. Ils ont créé le premier corpus que l'on appelait à l'époque The Brown Corpus for Use on Digital Computers. Okay. Digital Computers. Au lieu de l'autre espèce de computer. c'était à l'époque, c'était très impressionnant parce qu'il y avait un million de mots. Un million de mots. Incroyable. Et c'était tout. Comme toujours, c'était tapé à la machine sur des cartes perforées. C'était en effet, la première version était tous en lettres majuscules, bien sûr. J'aurais dû apporter un exemplaire pour vous démontrer, c'est vachement amusant. Mais l'intérêt de ce projet était le fait qu'il a été systématiquement construit, c'est-à-dire qu'ils ont dessiné un corpus. Imaginez-vous, vous avez la possibilité de décrire ce que c'est que le français. Okay? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez faire pour démontrer, pour faire un échantillon dans le français courant pour le décrire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez des idées? L'historique des transformations de la langue. Historique, mais moi je ne suis pas intéressé dans l'historique. Dans ce cas-là, il s'agit d'une description de la langue synchronique. Il y a des domaines. Oui, il y a plusieurs domaines. Ok. Et alors vous allez chercher dans plusieurs domaines. D'accord. Quel domaine? Combien de domaines? Comment est-ce, sur quel principe est-ce que vous allez faire votre sélection? Je pose pas ces questions pour vous. Comme ça, vous voyez que ce ne sont pas des questions triviales. Okay. Donc, il faut l'oral, l'écrit, l'écrit privé, l'écrit public. Oui, tout à fait. Ça fait beaucoup de choses. Okay. Et les histoires de cowboys, ouais, ça rentre, la fiction, ou non? Ouais. Oui ou non? Oui. Je pose la question parce que, en effet, ce qu'ils ont fait à Brown, ils se sont dit, ben, finalement, l'anglais, c'est ce qu'on veut que les étudiants produisent. Comment est-ce que les étudiants vont comprendre ce que c'est que l'anglais? Ils vont dans la bibliothèque. Alors, on entre dans la bibliothèque et on fait une sélection selon les livres. Ce n'est pas exactement qu'on fait tout, sur 50 livres, on prend le cinquième, mais c'est à peu près comme ça. Et ensuite, on a classifié les livres qu'on a pris dans, je pense, c'est 24 ou quelque chose comme ça, catégories, y compris les histoires de gangsters, les histoires de science-fiction, tout ça, parce qu'ils étaient déjà très présents dans la bibliothèque. Alors, à la fois, on essaie de faire un échantillon basé sur la fréquence d'occurrence dans la bibliothèque, et également sur les genres, les domaines représentés dans ce sous-ensemble. Enfin, on peut critiquer cela comme un modèle du langue existant. Évidemment, vous n'aurez pas de discours oral dans la bibliothèque, par exemple. Ce qui est, par contre, un des paramètres très importants pour décrire une langue. Mais, selon ces possibilités, c'était la première fois qu'on a vraiment essayé de normaliser, de standardiser, si je peux dire, la construction d'un corpus selon des principes statistiquement défensibles. Ok? Bon, j'ai beaucoup parlé sur ça parce que ça m'intéresse beaucoup. On a fait à peu près la même chose quelques ans plus tard avec le British National Corpus. Là, on avait exactement les mêmes enjeux. Bien sûr, la technologie a évolué un peu et nous, on a pu faire un corpus sélectionné selon des principes cohérents, bien exprimés, qui avaient une taille de 100 millions d'euros, donc un peu plus grand. Ok, ça c'est. Alors, ça, je fais mention de ça parce que c'est une des étapes très importantes dans l'évolution de l'application des technologies aux recherches dans le linguistique. La recherche dans le corpus linguistique, c'est une manière. On ne peut pas s'imaginer comment faire sans de technologie. Okay? On peut s'imaginer. La continuation, par exemple, du philologie, ça peut se faire sans bénéfice technologique. Sans bénéfice technologique. Mais par contre, le corpus linguistics, ça ne peut se faire qu'avec un ordinateur. C'est pour ça que c'est important. Donc, le troisième cas là, c'est encore un projet, est-ce que vous le connaissez déjà, peut-être? Le Thesaurus Linguae Graecae. Ça, il y a une petite histoire là-dessus. Vous connaissez madame? Vous pouvez le dire. Ah, c'est un corpus qui rassemble qui rassemble tous les textes grecs, c'est ça enfin, je... Des textes. Des textes grecs, des langues grecques anciennes. Des textes anciens. Avec, si ma mémoire est bonne, un peu de textualité. Les éditions utilisées sont bonnes, il n'y a pas trop d'erreurs. C'est un bon corpus. Oui, il est très joli, mais il est tout en grec. Donc, l'histoire que j'ai... Le texte, le travail que vous parlez est très bien fait. Tout à fait. Oui, oui, c'était basé sur des éditions scientifiques. Tout à fait. Qui a, dans le temps, leur a donné des problèmes avec les maisons d'édition. Surtout celui de mon université à moi, j'ai honte de le dire. Mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire ici, il s'agissait du fait que, bon, il y avait un type, un professeur de grec aux États-Unis, qui s'appelait Theodore Brunner. J'arrive. Theodore Brunner. Et bon, il faisait des cours le soir. Vous savez, ça se fait en France, hein, vous faites des cours pour avoir de financement supplémentaire si vous êtes pauvre. Et ben lui, il faisait des cours supplémentaires le soir au grand public pour présenter la littérature grecque. Et un soir, il y avait un type dans le public qui lui a dit, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce qui vous manque, parce qu'il a parlé des possibilités de faire des recherches dans des énormes fonds de la littérature pour rechercher les mots, les usages, les textes, etc. Il y avait quelqu'un dans le public qui disait, et combien ça coûtera, à votre avis, de créer une base où vous aurez toute la littérature grecque. Et il disait, bon, je ne sais pas, mais je pense au moins à $1 million. Alors le type a dit, bien, voilà, je vous donne une chèque. Et c'était en effet le type dans le public, c'était un des deux de cette maison de logiciels, comment ça s'appelle avec deux mots, HP. Hewlett-Packard, c'était David Hewlett. Alors, c'était le fils du père de Hewlett-Packard. Alors, c'est pour ça qu'il pouvait être un chèque d'un million de dollars. Alors, vous aurez vu, c'était aux années 70. Commençons des années 70. Et Brunner s'est dit, tout à fait, il était très content. Et il a animé une équipe. Ils se sont mis à taper toute la littérature grecque. Mais, comme je disais tout à l'heure, il n'était pas tout à fait conscient du fait qu'il y a des droits qu'il faut respecter. C'était tout neuf, l'idée de prendre des livres et les taper dans l'ordinateur. Il n'y avait pas tellement de gens qui faisaient pareil à l'époque. Alors, il y avait des problèmes qui enchaînaient après. Ils avaient également des problèmes de longueur d'âge. À l'époque, les machines, les cartes perforées, ça ne permettait que l'enregistrement des lettres, des 26 lettres de l'alphabet anglais, plus les chiffres, plus quelques marques de ponctuation. Les lettres grecques, surtout les lettres grecques avec des accents, des aspirants, les lettres grecques selon la mode. Selon la mode ancienne. Alors, ils ont dû inventer le propre système d'encodage, okay, qu'ils ont inventé, qui s'appelait BitCode. Un code bêta. Je ne sais pas s'il y avait un alpha. Il s'appelait ça bêta. Et c'est une manière de présenter les lettres anciennes grecques sous format déguisé en ASCII, finalement. Ce qui a, bien sûr, me posé des problèmes un peu plus récemment, quand il a fallu tout changer dans les standards qui existent maintenant, comme Unicode, pour représenter tout ça. Ok, ça, j'ai passé le temps à présenter ces deux projets. Je vais te poser une question, je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris le mot ASCII. Ah, pardon. Est-ce que vous avez compris le mot ASCII? C'est Marin qui va vous expliquer. Alors là, il est gentil. Donc NASCII, c'est le premier système d'encodage, donc de description des caractères qui a été inventé avec les premiers ordinateurs, qui était dominé par l'anglais, et qui comprenait 128 caractères en tout, enfin 128 signes, donc c'est bien ça, 128 signes. Après, on est passé à 256 par la suite, et donc on a évidemment, on comprend tout de suite que ça posait problème pour le grec. Parce que d'abord, les gens qui l'ont inventé ne se sont pas dit tout de suite qu'ils allaient encoder des caractères. Encoder, c'est déjà d'écrire informatiquement. Il faut déjà utiliser, définir le terme encodage. Parce qu'en fait, tu vas l'utiliser tout le temps, ce mot-là. Donc, c'est le premier format d'encodage. Même si ce n'est pas un format, mais c'est un format de description de caractères. Donc, le A, c'est le chiffre 26 ou 35, je ne me souviens plus. 31. Donc on a un chiffre qui décrit une lettre, donc 31 pour le A, donc le 32 pour le B, et ainsi de suite jusqu'au Z. Et donc évidemment, dès qu'on veut mettre du cyrillique, puis du grec, puis du phonétique, puis des langues inventées, ben, on a plus que 256 possibilités, donc on est coincé. Donc là, ce que tu décris, si j'ai bien compris, hein, parce que je ne connais pas cette histoire que tu racontes, c'est que pour décrire en grec, ils ont utilisé deux chiffres pour pouvoir décrire plus que 256. Non, c'est pire que ça. C'est que, par exemple, si j'écris ici ça, qu'est-ce que c'est? Vous allez dire c'est un A. Okay. Ça veut dire que je vais le représenter en ASCII par le code 31. Okay. Malheureusement, ce n'est pas un A dans le bytecode. Parce que c'est un alpha. Ça. OK? Alors, c'est une convention qui dit vous êtes à l'intérieur d'un fichier exprimé en bytecode et donc il faut comprendre ces chiffres. C'est toujours un 32 ou 31, ou je ne sais quoi. Mais il faut le comprendre comme étant alpha. En fait, juste pour le bytecode, ce qui était génial, moi, ce que j'ai trouvé génial pour l'avoir utilisé, c'est qu'ils arrivaient à représenter avec simplement les lettres de caractère latin l'intégralité de ce dont on a besoin en grec. Donc, également avec les parenthèses, tous les esprits bruts, les esprits doux, toutes les accentuations, et juste avec les caractères dits latins. Donc, de la ski, tout à fait. C'est génial, mais. C'est vraiment une solution géniale à l'époque. Mais c'est vraiment une solution de bricolage. Oui. Parce que si vous voulez mélanger le latin et le grec dans le même fichier, vous avez de gros problèmes. Et en plus, si vous voulez faire passer vos données d'un ordinateur à un autre, vous avez toujours des gros problèmes. Parce que quand on venait de dire, pour simplifier, que le 31, pardon, c'est le A. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend de la machine où on est. Parce qu'il y avait des machines... Bon. On est là pour la journée. Cela dit, c'est quand même des problématiques absolument fondamentales qu'on retrouve encore aujourd'hui, même si on a un peu plus... On a avancé un peu. Mais c'est le problème de... Le problème des idiomes reste présent. Il n'est plus au niveau de l'encodage des caractères, mais il est déplacé. La normalisation, c'est un problème structurel. Ok. Eh bien, alors, j'ai présenté ces deux projets à l'allant parce qu'ils étaient, si je peux dire, vus de maintenant, 30 ans plus tard, il me semble que ces deux projets rassemblaient beaucoup des idées qui sont très importantes pour ce qui est passé. Mais soyez assurés, il y avait beaucoup d'autres projets que j'aurais pu sélectionner. Bien sûr. Alors, le troisième point sur lequel je vais insister un peu, c'est qu'est-ce qu'on faisait? C'est une chose de se dire, ben, je vais créer une base de données textuelles, je vais taper tous ces livres, mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Quel est l'enjeu de la recherche qui est envisagée, basée sur ce genre de données? Et pour la plupart des gens, à cette époque, l'idée c'était un peu de quantifier le style. C'était un peu d'essayer de voir donc des régularités statistiques dans les textes, de faire des analyses, de faire l'outil le plus important, c'est le concordance. Vous savez ce que c'est qu'un concordance? J'aurais dû apporter un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux vous présenter un petit exemplaire d'un concordance, si vous voulez. Si je vais là. Le concordant, si vous ne savez pas, c'est une invention médiévale. Je suis surpris que vous ne connaissez pas. C'est une invention médiévale pour savoir comment est-ce qu'il faut se servir de tel ou tel mot. Alors, on tape le mot et on reçoit... C'est toujours comme ça? Oui, c'est une bête de course. On attend de Google, comme toujours. Je vais passer sur mon site à moi parce que je sais que ça marche. Ok. Quel est votre mot anglais préféré? Juxtaposition. Joli. Voilà. Voilà une espèce de concordance. Je vais le faire un peu plus grand. Vous voyez là, bon, dans les 100 millions de mots de British National Corpus, j'ai fait une sélection à la randonnée, au hasard, merci, de 50. Ok. Training methods involve repeating these combinations until the juxtaposition of foot, hip, and shoulder becomes automatic. Okay. I was interested by your juxtaposition of blah blah blah blah. Admired leading to a juxtaposition with the urban world, any two stimuli brought into juxtaposition. Ok. On n'est pas là pour enseigner l'anglais, mais j'espère que vous voyez tout de suite qu'il y a des difficultés autour des petits mots comme juxtaposition with, juxtaposition in, etc. Comment ça s'appelle? Les pronoms? Non. Les prépositions. Merci. Sont pas forcément avant, mais ces petits mots avec juxtaposition, ça pose des problèmes. Alors, si vous, je n'ai pas mis à jour d'une manière vraiment traditionnelle de concordance, si je l'avais fait, vous aurez vu juxtaposition au centre et les deux moitiés de la phrase à chaque côté, avec lequel vous allez voir tout de suite les régularités de ces apparences. Ok? J'ai bien expliqué? Ah, très bien. Vous avez l'idée. Ok. Je reviens sur cela. Dire pour vraiment? F10. Affichage. F10. Non, c'est F11 alors. Ou F5. Essaye 11, F11 ou F5. Pour remettre. Ouais. Voilà, c'est F5. Merci. Oh. On recommence. Vous avez mis un peu plus de détails sur Busa. En 1959, il y avait une presse université à Cornell, aux États-Unis, qui s'est mis à faire apparaître sur papier des concordances, une série de concordances sur tous les auteurs de littérature, par exemple, littérature anglaise. Par exemple, Matthew Arnold, je pense, Poe et des autres. Et l'intérêt de ce série, c'est que tout le texte a été créé, d'abord une procédure de faire le concordance, ça se fait avec un ordinateur, évidemment, parce qu'il faut rechercher chaque occurrence de chaque mot, et puis les trier avec sa contexte pour créer un concordance, comme vous l'avez vu. Et c'est un travail très lourd qui a comme résultat beaucoup de papier si vous l'imprimez, évidemment, parce que vous avez une ligne par occurrence de chaque mot. Alors, Cornell University Press a un peu bêtement essayé de faire de l'argent en vendant de telles choses aux universités. Bien sûr, après, on s'est très vite dit, mais ça vaut pas la peine de l'imprimer comme ça. Ça c'est beaucoup plus facile de rechercher dans un concordance, stocké à la machine, déjà, au lieu de tourner des pages et des pages et des pages. Dernière date significante que j'ai trouvée, c'est la fondation de CETEDOC. C'est un des premiers centres de... un des premiers centres de recherche dédié à l'application de l'informatique sur des études médiévaux et classiques. Et c'est à Louvain-la-Neuve, en Belgique, et il est toujours là, continue, impressionnant. Ok, j'ai parlé un peu de... j'ai déjà fait mention du fait qu'on a essayé de numériser ces données pour des buts spécifiques, et un des buts très très à la mode, fin des années 60-70, c'était d'essayer d'identifier automatiquement l'auteur d'un texte. Prenons comme exemple classique les lettres de Saint-Paul. Il y avait, vous n'êtes pas peut-être expert dans ce domaine-là, mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ont passé leur vie totale à écrire sur... Si saint Paul a bien écrit le lettre aux Corinthiens ou non, si c'était quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on pourrait prouver avec l'aide d'une machine qui a écrit tel ou tel texte? Bon, c'est une problématique qui pose plus de questions qu'il ne résout, à mon avis. Mais à l'époque, l'idée c'était, ben, évidemment, quand on lit un livre qui est écrit par, disons, Corneille, on sait tout de suite que c'est du Corneille, ce n'est pas du Molière. Comment est-ce qu'on peut le savoir si c'est une œuvre déjà inconnue? Comment est-ce que... Il n'y a que les mots sur le page. Donc, il doit exister quelque part dans les propriétés statistiques du vocabulaire, il doit être quelque chose qui nous signale l'authorship, l'autorité, non, mais... Octorialité. L'autorialité, qui a dit, du texte. Et est-ce que ça pourrait être les mots très infréquents dans un auteur? Non, pas forcément. Par contre, ce qui est intéressant selon les recherches qu'on a fait dans cette période, c'est plutôt les mots très très fréquents. Parce que avec les mots très fréquents, on a la possibilité de bien regarder d'un point de vue statistique des variances entre plusieurs textes. J'ai pas le temps, bon, ça fait longtemps que je ne fais pas de statistiques. Est-ce qu'il y a des statisticiens présents? Vous savez ce que c'est qu'un nombre? Les distributions de fréquence, ça vous dit quelque chose? Ouais. Ok. Petite leçon. Tout petit, non? Ok. petite leçon. Okay. Voici le code des fréquences typique dans un texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur cet axe-là, je compte la fréquence d'un mot. Okay. Sur cet axe-là, je compte le numéro de mots ayant cette fréquence. Okay. Ça veut dire que, par exemple, il n'y a aucun mot qui n'a pas de fréquence. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de mots qui ont une fréquence inférieure à, disons, 10. Supposons que ça, c'est 10 à peu près. Alors, il y a beaucoup de mots qui ont une fréquence... Pardon, il y a peu de mots qui ont une fréquence très haute. Okay. Là, il y a une énorme queue parce que si je continue à parler, je vais toujours introduire des mots que vous n'avez pas encore entendus. Okay. Alors, ça, ce courbe, ce n'est pas du tout le même que le courbe si je jette une pièce. Vous allez avoir combien de fois j'aurai pile ou face. Vous allez avoir une courbe plutôt comme ceci. Okay. Il n'y a pas de longue queue comme ça. Parce que la possibilité d'avoir une pile ne change pas n'importe combien de fois que je jette la pièce. Okay. Mais quand même, au commencement, avec ces mots qui ont une fréquence très très vite, une fréquence très haute, avec une fréquence très haute, il y a une correspondance entre ces deux courbes. Alors, ça c'est important parce qu'on peut appliquer les mêmes statistiques qui ont une valeur sur les courbes, les distributions dites normales. On peut appliquer les mêmes statistiques sur la distribution des mots. Vous avez compris? C'est un peu compliqué. Et il va de ça que dans la plupart des études qu'on a fait sur l'octorité, on a concentré sur les mots ayant une très grande fréquence dans le texte. Par exemple, dans le cas de l'ancien grec, les mots comme autos, aino et en. En, je pense, ça veut dire non. Oui, quelque chose comme ça. C'est une particule très très fréquente dans le grec. Et selon les gens qui ont fait de ce genre d'études, selon eux, c'est possible d'identifier des patrons de fréquence tout à fait différents selon, soi-disant, celui qui a écrit. Il paraît que si vous êtes, que chacun a comment ça s'appelle l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, il y a une empreinte digitale dans la manière où vous vous servez des mots très fréquents dans la langue que je parle. Donc il y a l'empreinte digitale de Saint-Paul que l'on peut traiter donc, en analysant tous les œuvres. Moi, je ne suis pas statisticien, je ne suis pas expert de l'ancien Grèce non plus. Il y a d'autres études qu'on a fait. Par exemple, il y a un Australien qui a fait des études sur Jane Austen. Moi, je connais très bien Jane Austen. Je ne suis pas tout à fait convaincu par cette démarche, parce que ça, tout dépend sur cette concordance que j'ai pas très bien exprimé là, cette coïncidence entre des statistiques élaborées pour les évaluations des distributions normales qui se sont appliquées à des distributions. L'autre espèce de distribution s'appelle une distribution poisson. Rien à faire avec le poisson, c'est le nom d'un statisticien. Mais les distributions poisson ne ressemblent guère aux distributions normales. Mais on trouve la difficulté ce fait à exprimer dans la littérature de cette époque. Quand même, il y avait beaucoup d'études qui ont apparu sur cette question. Et j'en cite des exemplaires là. Mais je ne veux pas vous donner l'idée que cette approche très statistique, est mort, en effet. Toc. Ok. Je reviens sur ce. Alors, l'outillage très important pour le nuclear linguistic computing, l'outillage le plus important, c'est le concordance, un enjeu pour lui-même, des statistiques quasiment complexes. Il y a une assertion, il y a implicite, on dit implicitement que le style peut être quantifiable, peut être mesuré. Mais on dit cela en même temps quand il faut avouer, on ne comprend pas vraiment la statistique de la langue à cette époque-là. Il y avait beaucoup des études là-dessus, des approches très intéressantes, très complexes, où on essaie d'améliorer les modèles statistiques et les distributions. Mais c'est vraiment un domaine de recherche pas très bien compris. Et finalement, j'ai fait mention ici d'une épisode très intéressante qui s'est passée aux États-Unis à cette époque-là, bon, un peu plus tard, en 1974. Est-ce qu'il y a des historiens ici? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas statisticien, vous n'êtes pas médiéviste. Bon, alors, vous savez bien sûr qu'il y avait. Vous avez entendu parler de l'esclavage des Noirs aux Amériques. Hein? Alors, il y avait un livre qui est sorti en 1974, qui s'appelait Time on the Cross. C'était produit de. J'ai perdu le nom. Alors je ne vais pas l'écrire parce que j'ai oublié. C'est Fogel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé pour la première fois de faire une analyse strictement numérique basée sur les records qui subsistaient du système d'esclavage juste avant et après la guerre civile aux États-Unis, donc au milieu du 19e siècle, pour essayer de voir si, par exemple, l'esclavage comme système économique était plus payant que le système basé non sur l'esclavage. Si par exemple les fermes au sud étaient plus rentables avant la guerre, bien sûr, que les fermes au nord. Aussi, ils ont essayé de faire deux preuves sur quelques autres faits, par exemple l'étendue de comment est-ce que les esclaves ont été traités. Combien de fois, il y a un exemple célèbre, un peu choquant, ils ont dit que, en gros, un esclave n'était fouetté que 0,7 fois par an. Ben, mais ils ont. Oui. C'était idéologique ou... Idéologique? En quel sens? Pas du tout. L'idéologie, très intéressant, c'est l'idéologie numérique. Ils étaient des historiens informaticiens, ils étaient des historiens de l'économie. Pour eux, le plus important, c'était les faits. Les faits, les chiffres, les nombres. Ils ont oublié que, comme j'ai dit au commencement, les nombres, ça constitue un texte, une histoire. Il y a, si vous dites que les esclaves n'étaient fouettés que 0,7 fois par an, ça n'empêche pas qu'ils ont été fouettés. Et bon. C'est dommage qu'ils n'aient pas pu mesurer l'intensité. Parce que ça avait... Tout à fait, ils n'étaient pas très bien fouettés. Hein. Ok, ben, imaginez-vous que ce livre a provoqué vraiment une explosion de critiques et également du support. Parce que, du point de vue méthodologique, c'était vraiment, comment on dit, groundbreaking. c'était vraiment nouveau dans la communauté des historiens américains. C'est un livre qu'on ne peut pas ignorer. Ça a fait une grande discussion. Quelles sont les conclusions? Les conclusions, bon, il y en a 12 ou 13, c'est un peu compliqué. Si vous allez rechercher le titre avec M. Google, vous allez trouver un petit article qui fait une description de ce livre, parce que c'est très... C'est toujours un texte fondamental dans l'histoire économique, et surtout dans l'histoire des Noirs aux États-Unis, bien sûr. Mais j'en fais mention parce qu'il y avait tellement de réactions contre cette étude quand il a apparu, que, disons, l'application de la technologie aux études historiens aux États-Unis a subi vraiment un choc. Il y avait ce livre est sorti en 1974. Il a fallu au moins 20 ans que l'on pourrait en discuter encore, qu'on pourrait dire, moi je suis historien, je me sers de l'ordinateur, sans être pris comme un des cleometricians, qu'on appelle, sans être attaqué du point de vue méthodologique. Ils s'en foutent, ces Américains. En plus que ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur le linguistic computing? Bon. C'est une petite équipe de chercheurs dont c'est une équipe de recherche, c'est une un comité de chercheurs surtout. Qu'est-ce qu'il y a qui définit un comité de chercheurs? Lara le sait très bien, c'est une revue. Donc il y a une revue, donc en effet il y a deux fois revue. Et pour m'amuser, j'ai regardé, vous ne voyez pas très bien, mais là vous avez l'adresse de Literary and Linguistic Computing, c'est un journal qui a été fondé en 1976, qui continue toujours, mais je ne sais pas si vous pouvez lire là les titres des articles, mais là vous avez A Test of Authorship, Modal Verbs and Moral Principles, An Aspect of Jane Austen's Style, Text Score Semantics as a Basis for a Computational Approach to the Representation of Meaning, Text Processing on the Leningrad Research Group, Computational Study of Sardinian, Programme de Lexicométrie Syntagmatique par Lafont, Salem et Tournier. Tournier, oui. Ok, vous voyez que c'est un tout petit comité international. Et c'était en effet le cas jusqu'à presque maintenant. Vous voyez le même espace, le même étendue nationale en 90. Finalement, je voudrais vous rassurer que Literary and Linguistic Computing vit toujours et va très bien d'ailleurs en France. Vous avez l'idée de texte comme un phénomène statistique a beaucoup été élaboré depuis les années 80 par des équipes de recherche. J'ai mis un lien là. Il y a un autre projet qui s'appelle Textométrie, qui est basé à l'ENS à Lyon. Et c'est sûr que les outils statistiques dont on se sert maintenant, ils sont beaucoup plus élaborés, beaucoup plus sophistiqués que ceux dont j'ai parlé à l'époque. Et ça a vraiment, à mon avis, c'est un peu curieux comme pourquoi ça a subsisté, pourquoi ça a évolué en France et pas d'ailleurs, je ne sais pas. Il y a des autres équipes, il y a l'équipe en Italie et aux Pays-Bas, mais ils sont très petits. Mais quand même, ici en France, vous avez des recherches qui font vraiment des choses très intéressantes sur, par exemple, le liaison entre la fréquence des mots et les classes sociales. Sociales. Ok. Je pense que je dois avancer un peu plus vite. Il y a des questions sur cela? Non? Ça va? Alors, j'entre au deuxième phase de Humanities Computing. Bien sûr, le paysage informatique s'est transformé tout à fait dans les années 80-90. Et ça a eu des effets très signifiants pour, surtout dans les SHS. Voici les quatre aspects que je voudrais discuter un peu. Le procédure de institutionalisation, le fait que les historiens reviennent dans le champ, mais surtout le grand débat sur ce que c'est que Humanities Computing lui-même. Et finalement, par le grand projet de text encoding, où je suis associé. Mais j'essaierai de ne pas parler trop de ça, parce que c'est un peu mon tête de roi Charles. Ça se dit, je pense. Tu sais ce que c'est, la tête du roi Charles? C'est ta marotte. Ta marotte ou ta tête de turc, c'est deux choses très différentes. Ah, ok. La marotte, c'est ton obsession, c'est la marotte. Okay. C'est ma marotte. Alors. Ok. Mon dada. Mon dada. Ok. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se souvient des années 80. Peut-être, je ne sais pas. Si vous en êtes, vous sauriez que c'était une décennie où il y avait énormément de gadgets qui sont sortis des usines, qui sont disponibles dans les magasins, qui ont marché, à peu près. Je pense par exemple aux machines vidéo, aux machines ordinateurs, aux machines domestiques de n'importe quelle espèce, qui ont marché peut-être une semaine ou un mois. C'était pareil avec les ordinateurs. Okay. Donc il y avait des énormes... il y avait beaucoup de nouveautés de point de vue technologique. Et on essayait toujours dans le monde scientifique à se dire, bah, c'est évident que cette technologie pouvait nous aider à faire, on sait exactement quoi, mais c'est évident qu'il faut apprendre. Il faut absolument que, par exemple, il soit des ordinateurs dans tous les lycées. En Angleterre, on a lancé un système à mettre, par exemple, le BBC Micro, c'était un micro-ordinateur, payé par le BBC, développé pour eux, acheté à un prix assez modeste dans tous les lycées, pour que chaque enfant pourrait se mettre devant et apprendre le langue basic. À des niveaux plus hauts, il y avait des efforts très importants, comme par exemple le Computers and Teaching Initiative, qui était financé par le gouvernement pour apprendre aux enseignants les possibilités technologiques des ordinateurs. Et à cette époque également, on a fondé the Arts and Humanities Data Service, qui était une espèce d'infrastructure pour les centres numériques déjà existants, des petites équipes, etc. Et on se posait la question, est-ce qu'on fait ce qu'on a toujours fait, ou est-ce qu'on est en train d'élaborer quelque chose de nouveau? Et bon, j'ai également ici, j'ai fait mention de quelques exemplaires des applications de ces technologies qui étaient en train d'apparaître. D'abord, et plus important, c'était le email. N'oubliez pas, à cette époque-là, il n'y avait pas de World Wide Web. Il n'y avait aucun web, mais il y avait le email. Et avec le email arrive la possibilité des listes de distribution de email. Donc, en 1987, est fondé Cumulus. On a déjà parlé, je pense, de ça. Marin a posté un lien. J'étais très, très amusé de suivre ce lien pour voir que moi j'ai posté dans le premier apparence et mon collègue Sébastien Matz a également posté. Et pour lui, moi j'ai dit des bêtises, peu importe, mais lui il a posé une belle question. Il a dit, c'était en 1987, il a dit, ben, c'est évident que ce genre de communication va poser des questions. Si les gens vont recevoir plus que 6 ou 7 emails par jour, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas traiter ça. Ok. Ok, à part les listes comme ça, qui ont très vite être... Si je mets ma casquette un peu historique là, je suis... À mon avis, le succès énorme des listes communistes, c'est parce qu'ils ressemblaient tout à fait à quelque chose qu'on était, avec lequel on était très familier. C'était exactement pareil à ce qu'ont fait les réseaux sociaux, les réseaux scientifiques au XVIIe siècle. Il y avait tout un réseau des experts scientifiques du XVIIe qui s'écrivaient des lettres. Oui. The Water Pump ou The Water Pump? C'était le titre d'un livre très intéressant, dont j'ai oublié tout le reste, qui parlait justement comme Hobbes avait créé, et donc toute cette fille bien sûr, avait créé donc ce réseau de légitimation réciproque à travers ce qu'aujourd'hui serait le referee, et qu'à l'époque passait par des lettres échangées entre scientifiques. Oui, tout à fait. Effectivement, s'il y avait. Tout l'apparat qu'on a scientifique maintenant a été inventé au XVIIe, c'est sûr. Comme vous dites, le revue scientifique date de ces jours-là. Mais également, cette idée d'avoir un réseau d'experts qui se parlent entre eux par moyen de mail date de ces jours-là. Et l'email, évidemment, c'est beaucoup plus efficace que les lettres portées à cheval à travers l'Europe. Ok. Il y avait, à cette époque, plusieurs idées sur comment établir, comment distribuer, comment publier les textes numériques. Moi, j'ai fondé en 1976 le Oxford Text Archive, qui était basé sur l'idée de partagement des textes numérisés. Parce que moi, j'ai observé qu'il faut, beaucoup d'efforts pour créer une belle texte numérisée. Et quand vous l'avez fait, vous pouvez faire vos propres recherches avec, et c'est fini. Mais également, ça pourrait servir à quelqu'un d'autre, qui n'est pas intéressé du tout par vos travaux à vous, mais qui pourrait faire quelque chose d'autre avec. Alors, l'idée de mutualisation des données est née à cette époque-là. Par contre, il y avait un projet qui existe toujours, le projet Gutenberg, qui a été créé par un autre fou, pas ce fou-ci, mais un autre fou, qui s'appelle Michael Hart, un Américain. Lui, et pour lui, c'était un peu l'esprit de... Bon, je sais pas. C'était un droit fondamental que chacun peut avoir accès à la littérature et... Donc, il avait en tête l'idée de faire distribuer les textes gratuitement, sans aucun problème, sans aucun barrière. Il avait une petite armée de volontaires qui s'est mis à taper à main tous les livres disponibles d'une manière aussi, il faut l'avouer, pas très scientifique. Oui. Quand apparaît la numérisation ? En fait, c'est la numérisation, mais manuelle. C'est manuel. La numérisation optique, vous voulez dire ? Ah, le OCR. Ouais. Ça a commencé à cette époque-là. Nous on avait... j'ai pas précisé ça, j'aurais dû, merci. À l'époque, nous, à Oxford, on avait eu une des nouvelles machines OCR. C'était grand comme ça. Il a fallu deux opérateurs pour le faire marcher. Mais le plus intéressant aspect de cette machine, c'était qu'il pouvait reconnaître non seulement les lettres anglaises, mais également le grec, le turc, le russe, mais pas l'arabe, parce que les lettres sont conjointes. Là. Ok. Et nous, on a fait une liaison entre la disponibilité de cette machine et l'archive. Ça veut dire que si vous êtes chercheur dans une université britannique, vous avez l'idée de créer un texte numérisé, nous, on va le faire pour vous, mais sur condition que le texte soit logé dans notre archive, donc disponible à d'autres gens après. Et ça, c'était notre politique à l'époque. En même temps, il y a des maisons d'édition qui se sont dit, voilà, c'est une technologie très performante, le CD-ROM. Avec le CD-ROM, on peut vendre des livres de nouveau, même on peut vendre des dictionnaires, des aspects très intéressants. Par exemple, le Oxford English Dictionary a élaboré une conférence très importante en 1988 au Canada. C'était la première fois que se sont mis ensemble les experts des sorties du TAL et les experts lexicographiques et les experts de maisons d'édition. Vous avez l'air de... C'était à l'université de Waterloo. C'était deux ou trois conférences au sujet de lexicographie assistée par ordinateur. Et tout de suite, il y avait une tension entre ceux qui étaient intéressés vraiment par l'apparence du texte dans le dictionnaire, de l'une partie, et de l'autre partie, par ceux qui étaient vraiment intéressés par les faits linguistiques auxquels le dictionnaire fait témoin. Okay? Et c'est un peu le même problème où j'ai commencé. La tension entre les données et les textes. Ok. En plus, il y avait des financements publics pour mettre en place des infrastructures de support pour l'application des technologies. Ça se passait partout, à chaque niveau national et européen. Et bien sûr, dans le monde privé, il y avait des gens qui se disaient « Ah, est-ce qu'on a l'opportunité de faire de l'argent en faisant publier des textes sur support numérique ?» Heureusement, non. Peut-être avec le Kindle, mais tout ce qu'on dit maintenant sur le Kindle, moi je l'ai déjà entendu il y a 20 ans. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, non, voilà. Ça, c'est tout à fait illisible. C'est le commencement d'un liste qui apparaît sur ce lien-là. C'est un dictionnaire des centres qui se prétend comme intéressé dans le Humanities Computing. Et ça, je pense que c'est une loi. Peut-être que vous êtes des sociologues ici. Il y a des sociologues. À mon avis, non expert, j'observe qu'une communauté s'établit de plusieurs manières. Il peut s'établir, par exemple, en ayant un foi quelconque, ou en portant des costumes spécifiques, par exemple, ou beaucoup d'autres manières. Mais c'était exactement pareil pour toutes ces petites équipes qui se disaient « Ah, nous, on fait le Humanities Computing. » Pour valoriser cela, il faut y avoir une liste approuvée des centres qui sont vraiment de chez nous, de nous, des nôtres, c'est ça. Et ça, c'est un projet qui a été établi par le RRC, qui continue toujours, donc société bien sûr. Et à mon avis, beaucoup des disciplines académiques, ils sont pareils. Hein, ils sont pareils. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'ils ont fait de gros directoires. Il y a très intéressant, il y a deux volumes de Directory of Humanities Computing, qui sont un annuaire, exactement un annuaire, qui est sorti deux fois. Et après ça, il y a quelque chose qui est arrivé. Vous saurez sans doute qu'est-ce qui est arrivé pour mettre fin à ce genre de publication. Non? Je m'étonne. De web, voilà. Eh bien, OK. puisqu'il y a ce concept de Humanities Computing comme institution, comme communauté, c'est évident qu'il faut avoir la possibilité de recruter des nouveaux, des jeunes, et donc de les enseigner de croire à ce foi de Humanities Computing. Et voilà un type là, qui est en train de lire, vous reconnaissez ce bouquin peut-être, Learning Perl. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est bon. Évidemment, je suis très content qu'il soit un master en Humanities Computing à l'Université d'Alberta, c'est intéressant. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est le texte là. Est-ce que vous pouvez le lire? Ce qu'il dit, c'est « I used to read texts, but now I am learning the tools to play with them. » Ok. Bon, tu peux me traduire ça? Jusqu'à présent, je lisais des textes, maintenant j'apprends les outils qui me permettent de jouer avec ou de travailler avec. Oui, voilà. Non, de jouer. Jouer. Ok. Et c'est un peu l'évolution du domaine de Humanities Computing dans une seule phrase. Okay. Eh bien, ok, je continue. Oui, j'ai fait mention des historiens, et je fais mention ici, parce que ça ne s'est pas passé pareillement en Europe qu'aux États-Unis. En France, il y avait des historiens de très grande renommée, j'ai fait mention de Jean-Philippe Genet, il y en avait beaucoup d'autres, qui ont eu l'idée que peut-être les textes primaires numérisés, ça servira peut-être à faire des choses intéressantes pour donner des. Et on pourrait en extraire des faits pour supporter ou. Contredire une théorie, une hypothèse sur les évolutions historiques, par exemple. Également, ça a été plus ou moins systématisé en allemand par le chercheur Manfred Thaler, qui a créé un logiciel très intéressant qui s'appelait Cléo. C'était une base de données textuelle avant la lettre, très compliquée. Moi, je n'ai jamais arrivé à le faire marcher. C'est un peu comme ça avec les logiciels de cette époque. Ils sont très performants pourvu que l'auteur du logiciel soit présent. Il n'a pas besoin de faire rien. Il peut rester là pendant que la machine tourne, mais il faut qu'il soit là. Sinon, ça va flanquer. Et il y avait l'établissement de l'association. Ok, je reviens sur un point important. Qui est devenu très très important à l'époque. C'est vraiment le défi pour Humanities Computing. J'ai plaisanté un peu en disant que c'est une communauté qui s'établit sans raison formelle, sans théorie. Alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui distingue un texte numérisé d'un autre texte, d'un texte non numérisé? Est-ce qu'il y a des possibilités intrinsiques comment différentes? Ça, c'est une question. Si, par contre, tout ce qu'il y a dans Humanities Computing, c'est un ensemble de méthodes, de pratiques, c'est une espèce d'ingénierie, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces outils? Qu'est-ce qu'il y a qui unit ce domaine d'activité? Alors, on a proposé l'idée qu'il y a des scholarly primitives, qu'il y a des actions fondamentaux de la science. Et on a essayé de faire le liste de ces activités fondamentaux pour dire, bon, avec un support informatique, on peut supporter ces actions d'une manière plus ou moins plus efficace. Par exemple, la possibilité de rechercher des exemplaires, la possibilité de faire des analyses des traits existants ressortant d'un ensemble de sources, la possibilité de faire des liens entre des sources des perceptions qui sont communes entre deux auteurs, deux critiques, deux textes. Alors, où sont les outils et les méthodes qui nous aident à supporter ces approches d'une manière plus efficace? Comment ça se fait le temps? 15h39. Alors, il me reste combien de temps? Une demi-heure. On n'est pas trop fatigué? Ça va? On n'est pas trop ennuyé? Ben, vous pouvez toujours consulter votre courriel. Ok. Ben voilà. Dans le monde réel, il y a des ressources, il y a des livres, il y a des objets, il y a des peintures, il y a des œuvres de l'art. Beaucoup. Des ressources. Ok. Pour les traiter avec de l'ordinateur, il faut les encoder. Il faut les transformer dans un autre format. Ok. Et ça, j'appelle cela, si ça se fait en OCR, si ça se fait en prenant un petit photo, si ça se fait en tapant à la machine en transcription, pour moi, toutes ces activités, ils sont une forme d'encodage. Parce qu'on prend quelque chose qui existe ailleurs et on fait une représentation numérique. Quel est l'intérêt de faire de telles représentations? C'est que ces ressources numérisées, on peut les traiter très aisément. On peut faire des analyses automatiques avec. Et donc, on peut les enrichir. Ça, c'est ce qu'on appelle un cercle hermeneutique, un cercle hermeneutique virtuel et non pas un cercle vicieux. C'est parce que à chaque fois on ajoute encore des données, on enrichit le ressource. Donc c'est bien. Ok. Ici j'ai ajouté un autre petite chose, petite observation. C'est que bien sûr. Quand on fait cette traduction, on le fait par rapport à un modèle abstrait. C'est-à-dire, pour être tout à fait concret, je tiens un livre, je regarde dans le livre et je dis, tiens, sur cette page-là, je vois trois paragraphes. Okay? Je vois un en tête et trois paragraphes. Ça veut dire que, dans ma tête, j'ai une idée abstraite d'un paragraphe. Je pense que ça existe, le concept de paragraphe, et je le reconnais évidencié dans ce livre. Donc, je peux faire une traduction en disant, ok, je fais une cote qui veut dire, ici, il y a trois paragraphes et un en tête. Ok, ça n'a aucune importance sur la manière où j'exprime le fait qu'il y a... ma manière d'expression n'a pas d'importance. Ce qui a d'importance, c'est le fait de reconnaître ces choses prises dans un modèle abstrait. Dans le modèle abstrait, il y a des choses telles que les paragraphes, les entêtes, les divisions, les listes, les je ne sais quoi. Donc, je peux faire mon encodage seulement par référence à ce modèle-là. Et remarque que je pourrais faire cet enregistrement des ressources numérisées, je pourrais le faire par rapport à un autre modèle abstrait. Si je le ferais, quand même, ça serait tout à fait nul, parce qu'il n'y aurait pas de correspondance entre les choses que je traite ici et ce modèle abstrait. Donc c'est très important ce modèle abstrait pour s'empêcher de dire vraiment des bêtises quand on fait l'analyse. C'est pour ça que ce modèle est le plus important. Et j'ai insisté sur ce point parce que c'est ça qui est derrière. Non, ça c'est... Je reviens sur cela. C'est très important, donc, d'avoir la possibilité de transmettre ces correspondances, ces interprétations. Le monde scientifique a besoin de continuité. on avance sur la tête des autres, comme a dit Newton. Sur les épaules. C'est quoi? Sur les épaules. C'est les épaules. Donc, dans le cas des textes numérisés, simplement de pérenniser les bits, les bytes dont un texte numérisé est composé, ça ne sert absolument à rien, sans savoir à quoi ces bits, ces bytes représentent. Comme on disait tout à l'heure, la question, au sujet de A, okay? Vous avez un texte numérisé, vous trouvez un patron de bits et vous dites « Ah, c'est un A ». Mais non, c'est un alpha dans ce cas-là. Alors, il faut préserver, au-delà des bits, des bytes, il faut préserver des métadonnées qui expriment la portée de l'encodage, c'est-à-dire la portée des choses dans ce modèle abstrait que j'ai présenté. C'est ça l'enjeu fondamental du text encoding initiative. Mais avant d'arriver à ça, je retourne en arrière parce que voici des problèmes, l'ensemble des problèmes éprouvés avec les ressources numérisées à l'époque-là. Il ne fonctionne pas toujours. Ça veut dire que vous devez avoir l'appel de l'ordinateur. Parce que souvent, on a créé des ressources qui ne marchaient que sur un seul ordinateur. Ou bien, vous ne pouvez pas les trouver. Vous savez très bien qu'il y a un texte numérisé de votre auteur parce que vous avez lu une notice quelque part qu'il décrit, mais ce n'est pas disponible. Et vous ne trouvez pas des notices là-dessus dans votre espace de recherche habituel, parce qu'ils ne sont pas dans les bibliothèques, ils ne sont pas dans les revues, et même s'ils y figurent, ils n'ont pas de métadonnées qui vous permettra de les trouver. Vous ne savez pas d'où ils sont sortis. Les textes numérisés, c'est un peu le mystère. Ça continue toujours sur le web. Et de temps en temps, quelle horreur, ces textes n'ont pas été élaborés par un scientifique, mais par je ne sais qui, une petite dame à la maison, quelque part, qui s'est amusée à faire un texte numérisé. Ça, c'est le plus important. Ils sont pas ils sont périssables. Ils sont pas toujours au même lieu. Même si vous arrivez à savoir que sur le web, il y avait telle ou telle ressource, un jour, vous revenez le jour après, il est disparu. Ok. Peut-être ces problèmes, ils sont toujours avec nous. Bon. Alors, un mot seul sur le TI. À mon avis, c'est le plus important projet de Humanities Computing. C'est le seul, en effet, qui dure toujours. D'origine, c'était une réponse au fait qu'il y avait tellement de variétés, un vrai tour de Babel de format et une absence totale de standardisation sur la manière de présenter les choses. Bien que les gens qui faisaient ces textes, qui créaient ces ressources, ils étaient tout à fait d'accord, quand on les met d'accord, ils avaient dans la tête à peu près les mêmes modèles conceptuels, mais ils confondaient toujours ce modèle conceptuel avec la réalisation appropriée à tel ou tel outil. Et bien sûr, ils avaient des outils d'une variété incroyable. Donc, pour eux, il y avait des grosses difficultés à se faire mutualiser les données. Alors, le TI a émergé, comme je dis là, comme un seul modèle, disons encyclopédique, des choses qui ont de significance dans les textes, comme par exemple les paramètres. Tout le monde peut se mettre d'accord sur le fait que marquer les paragraphes, ça sert à quelque chose. Tout le monde peut, à peu près, se mettre d'accord sur le fait que marquer les noms de personnes, ça sert à quelque chose. Bien sûr, on peut avoir une discussion sur qu'est-ce que c'est qu'une personne. En effet, on est en train d'en discuter sur le liste TIL, si tu es... Ok, vous le connaissez, hein. Est-ce que, bon, le bon Dieu, ce n'est pas peut-être une personne, ok. Le Saint Paul, oui, lui, il est une personne. Le Saint, comment il s'appelle, le Saint Glinglon, oui, est-ce que c'est une personne? Ouais, c'est un peu difficile, bon, ok. Mais les particuliers... Les choses qui sont particulières, qu'il faut distinguer dans le texte, on peut se mettre d'accord sur cela. Finalement, ça a évolué dans une architecture très très plastique qui peut s'adapter au changement des besoins, des objectifs, des enjeux des chercheurs. Et okay, je ne fais pas de lecture sur le TI maintenant. La prochaine fois. Ok. Ici, j'ai un exemplaire, un tout petit exemplaire. Ça, c'est un texte. C'est un texte qu'on a retrouvé dans un fort romain au nord de... Vous connaissez la Hadrian's Wall, au nord de l'Angleterre, que les Romains ont construit pour empêcher les Écosses d'entrer en Angleterre. Ça n'a pas marché, mais finalement... aux années 80, on a découvert une petite, dans une excavation archéologique, on a trouvé un fond vraiment intéressant, des petites tablettes qui ont été, à l'époque, moi je ne savais pas, mais le militaire romain, il avait l'habitude d'écrire sur des tablettes couvertes de cire. Okay? Alors il y avait le cire au-dessus, vous écrivez votre message, vous l'envoyez à votre femme en Italie ou n'importe où. Et bon, c'est une espèce de papier. Okay. Ensuite, le cire est fondu, donc on peut les réutiliser, c'est très éco. Mais il reste des traces sur le plancher, sur la tablette en bois au-dessus. Et on a fait des recherches avec des jeux très compliqués pour reconstituer l'écriture qui était là. Okay. Très intéressant, et donc on a découvert cela et on a essayé de faire toute une histoire d'expliquer sur ce projet, mais l'intérêt que j'avais, c'est pour vous démontrer comment on peut pour transcrire ces écritures. C'est très très difficile. Vous voyez là une image très améliorée de l'écriture, et là on a pris ce petit détail ici. Et normalement, dans un texte imprimé, ça veut dire que les lettres S, bon, c'est le mot salutem, le S, le A est absent, le L est présent, le U est absent, c'est ajouté, et également, on n'est pas tout à fait sûr que ça soit T, E, mais on peut voir le M. Moi, je ne suis pas expert dans ce genre de choses et je ne pose même pas la question à vous. Donc, voilà comment on peut exprimer tout ce que je viens de dire dans un encodage TIL. C'est tout à fait standardisé. Vous dites, ben, il y a un U qui est supplied, ça veut dire fourni. Pourquoi il est fourni? Parce qu'il est, il est perdu, il n'est pas là. Okay. Il y a un U. Puis, après ça, il y a deux lettres TE qui ne sont pas tout à fait claires, mais qui sont présentes. Et à la fin, il y a le M. Okay. C'est juste un petit exemple pour vous présenter les complexités possibles de l'encodage TI pour représenter quelque chose de très complexe comme cela. Oui? C'est un langage à balise. Un langage à balise, excellent. Mais, donc là, c'est les données, c'est pas des métadonnées. C'est quoi? Ah, ça, c'est une question de définition. Moi, je dirais que là, vous avez un encodage de l'écriture là. Ça veut dire que l'ensemble des scientifiques qui ont regardé cette image Et remarque que c'est un projet collaboratif, donc il y a plusieurs scientifiques qui ont regardé la même chose, qui se sont dit, ben, on se met d'accord sur le fait qu'il y a un nul. Alors, on a besoin d'une manière d'exprimer ce consensus, arrivé, dans ce cas, je suis sûr, très péniblement, on a besoin d'exprimer ce consensus. Et c'est ça que c'est ça l'enjeu du balisage. Si ça, ce n'est pas tout à fait pareil à la métadonnée proprement dit, qui aurait par exemple, qui dirait par exemple où j'ai trouvé cette tablette, dans quelle position, de quelle composition il a été, etc. Okay. Par contre, les scientifiques qui sont responsables de ce balisage, ça, c'est ça. Ce sont des métadonnées. Okay. Vous avez une autre question? Okay. Bon, finalement, je veux finir. J'arrive sur le troisième étage. Ouais. Ok. On y arrive, finalement. Ok. Pendant qu'on était en train de discuter les théories, ça arrive souvent, hein. On s'amuse tellement à parler des choses à un niveau scientifique très élaboré, très haut, très intéressant, très théorique. Et au-dessus de nous, c'est le monde qui change. Ok. Alors, d'abord, c'est tellement important, j'ai pas fait mention, le web est arrivé. 1994, ouais, à peu près. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai vu le web, c'était en 1992. J'ai assisté à une conférence en Varsovie. Je ne sais pas où, pourquoi c'était en Varsovie, je n'ai aucune idée. Mais il y avait un gens de CERN qui est venu pour faire l'annonce des possibilités que le web serait peut-être un de ces jours disponible dans le monde entier d'une manière commerciale. Et des gens qui disaient, ah bon, c'est pas possible, ça. Quoi, vous attendez que les URL soient affichées sur les autobus? C'est pas possible. Bon, ça arrive de temps en temps. L'autre chose, en même temps que l'explosion du web, il y avait une explosion des bibliothèques numérisées, il y avait une explosion de numérisation en masse. Et bien sûr, une explosion des capacités informatiques, jusqu'au point que l'informatique devient une commodité. J'ai parlé des années 80 où rien ne marchait. Maintenant, on entre, vous avez tous sur votre appareil téléphonique plus de puissance de computer que vous savez. Il y a ce concept de grid computing. Ça vous dit quelque chose? Le grid, ok. C'est un mot anglais. Grid, c'est. Bon, en principe, ça veut dire gris. Mais l'idée, c'est que, juste comme l'électricité. Ici, on a besoin d'électricité. Il y a un point là-bas. Je peux brancher mon truc électrique. J'aurai de l'électricité. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça pourrait bien venir de Russie. De Finistère, du Sud, pas de Finistère, j'ai vu au télé hier, il n'y a pas de Finistère, hein, vous savez, ok. Mais ça pourrait venir de n'importe quoi, parce qu'il y a un grid national, international, qui pour alimenter tous les points électriques du monde. C'est pareil avec le grid computing. L'enjeu, ça serait que moi j'ai besoin de quelques cycles, des cycles, des MIPS, on dit. Et je n'ai aucun intérêt, quel ordinateur va faire ma gestion de données? Je peux faire une partie, je vais faire des recherches textuelles dans un ordinateur ici en France et une visualisation des résultats avec un autre ordinateur ailleurs, en Allemagne, aux États-Unis, ça n'a pas d'importance. Okay. Ça, c'est la vision de grid computing. Également, de point de vue des utilisateurs, vous avez des concepts comme le Foxonomy, le Power computing. Vous savez ce que c'est, le fonctionnement? Non? Ok. Ah. Ok. Vous voulez en savoir? Ne dis pas non. Hein. Ok. Le fonctionnement, c'est bon. Vous savez ce que c'est qu'une taxinomie? Oui? C'est un classement artificiel, mais officiel. Ça veut dire, il y a des experts, des scientifiques qui disent, ben, on peut classifier, disons, les arbres dans cette manière. Okay? Voici les termes officiels pour ce classement. Ça, c'est une taxonomie. Mais il y a d'autres choses, parce que les experts, ça coûte. Okay? Avoir un expert, si vous voulez avoir un expert jeter son coup d'œil sur une collection de 20 000 de photos que vous venez de numériser, que vous allez stocker dans votre bibliothèque numérisée, il faut les indexer pour dire est-ce que c'est une photo d'un girafe ou d'un rhinocéros ou n'importe quoi. Ben, est-ce que vous aurez la possibilité de retrouver un expert pour classifier tous vos photos? Non, bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les faire monter sur Flickr et vous allez dire aux gens, les utilisateurs de Flickr, qui sont des cent de mille de personnes, allez fouiller dans ce fond et classifier les photos, s'il vous plaît. Et vous allez dire, oh, c'est bête, hein? Tout le monde va dire, ah, voilà un rhino qui porte un joli chapeau. Ils vont dire des bêtises. Mais non, en effet, les gens sont beaucoup plus sensibles que cela. En effet, on a fait des expériences. Il y a un très bel rapport dont j'ai perdu la référence, excuse-moi Marin, je vais le chercher, je te promets. Fait par le Library of Congress, qui ont fait un essai avec exactement ce chose. Ils ont reçu une énorme quantité de photos. Historique et d'une provenance précise. Et ils ont fait monter sur Flickr, ils ont fait l'invitation au grand public mondial de décrire les photos. Et c'est incroyable, parce que, je sais pas, ça dépend de votre vue de la nature humaine. Moi, j'ai une vue plutôt sympathique. Donc, pour moi, ça ne me surprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont le bon volonté de dire « Ah tiens, je reconnais cela, ça c'est ma tante Marie qui est née là et blablabla, bla, bla. Ça c'est, c'était un ancien, boucherie qui était là, qui est venu avec ça et ça. » Donc vous avez toutes les annotations très précises venant du grand public, ça c'est une fonction. C'est une classification faite comme ça, sans médiation experte. C'est pareil au cloud computing, qui ressemble un peu à ce que je venais de dire sur le cloud computing. Okay? Cloud computing, ça veut dire, bon, je veux stocker mes photos quelque part, je les donne au monsieur Google, il va les stocker, je ne sais où. Tant pis. Ils seront toujours là, j'espère. J'espère. Mais si je les stocke moi-même, je suis sûr que mes machines à moi vont se planter. il y a toute une histoire à définir sur l'édition scientifique, mais je n'ai pas le temps de faire ça. Et je voudrais ajouter un mot sur le besoin des infrastructures, l'émergence des infrastructures, comme par exemple Adonis, parce que c'est eux qui vont payer le voyage. Ok, bon. J'ai pas le temps pour faire tout ça. Hein. Ça je sais va. Pas. Non, j'ai pas. Et ni ça. Oui, il faut dire quelque chose sur cela, oui. Ah bon. Normalement, une chose qui est très intéressante de nos jours, on a maintenant l'idée que la numérisation soit un bon public. Ça veut dire que ça fait partie des efforts supportés au niveau européen et national pour sauvegarder le patrimoine. Vous connaissez peut-être Europeana, c'est une grande bibliothèque numérisée de toute l'Europe qui est financée par les membres États de l'Union européenne. En France, vous avez le projet très, très ancien, Gallica. Vous avez en Angleterre un grand programme élaboré par le GISC pour numériser des fonds avec un financement public pour que ces données soient accessibles à tout le monde. Et ça donne des intérêts. Parce que ce n'est pas une question seulement de mettre à disposition des scientifiques ces ressources numérisées. C'est maintenant, c'est pour le grand public en plus. J'ai déjà abordé quelques mots sur les problèmes de métadonnées, ce qu'on appelle en anglais le link rot. Ça, tu peux me traduire cela, le link rot, c'est pourrissage. Pressage des liens. Oui. Bon. Qu'est-ce que c'est? Les codes, c'est la manière que les URL ne sont pas fiables. Ils pourrissent. Like what? Bon. Je ne vais pas essayer d'expliquer le OERTMH. Dans 5 minutes. Parce qu'en plus, il n'y a pas non plus d'historien ni de sociologue, mais pas de plus de spécialiste d'édition ici. Donc, non. Non, on n'a pas. Bon. Ça ne vaut pas la peine, donc. Mais vous avez un trait au dernier point. Okay. Il y a une chose très intéressante qui distingue les textes numériques des autres des textes imprimés. Qu'est-ce que c'est? C'est que si j'ai un texte imprimé et je vous le donne, vous l'avez, et moi je ne l'ai plus. Par contre, si j'ai un texte numérisé et je vous fais une copie, je vous le donne, vous l'avez, et moi je l'ai toujours. C'est une différence très évidente, très, très bête même. Mais c'est pour cela que les modèles de business sont très difficiles à établir sur comment distribuer les textes numérisés, les éditions numériques, tout ça. Qu'est-ce qu'on achète quand on achète un iTunes, avec iTunes? Qu'est-ce que c'est vraiment qu'on achète? Bon, c'est bon que je peux avoir un joli chanson à 6 euros sur iTunes, mais qu'est-ce que j'ai finalement? Tout ce que j'ai acheté, c'est la permission de l'écouter. Normalement, je n'achète pas la permission, ou je l'ai, ou je ne l'ai pas. Mais... Okay. Bon, ça, c'est un changement de modèle de commerce, à mon avis. Et est-ce que ça répond exactement aux besoins que l'on a, aux opportunités qu'on pourrait avoir avec les ressources numérisées? Il y a des gens qui disent, ben oui, il y a des autres qui disent, ah, mais non. Et on se pose la question. Là, vous avez une partie du manifeste de Open Source Development. Open Source, c'est l'idée que ce qui coûte dans le monde des logiciels, ce qui coûte, c'est le support. C'est ne pas forcément... Il faut faire un investissement pour créer un logiciel, mais chaque logiciel est basé sur un autre logiciel qui devient d'un autre encore. Donc c'est très difficile à dire, moi, ça c'est à moi, ce petite partie du logiciel, et donc je vais te le vendre. C'est beaucoup plus facile à dire, bon, je donne tous mes droits de l'auteur dans ce software, et je vais faire mon living, je deviendrai... Ce qui est rentable, c'est le support d'un logiciel. Ce qui est rentable, c'est les applications d'un logiciel, et non pas la création d'un logiciel. En plus, si on donne gratuitement les logiciels, ça permet à tout le monde de les modifier, de les améliorer, etc. Et il y a tout un débat dans l'industrie de l'informatique à ce propos. Et maintenant, c'est sûr que, par exemple, ici, on est sur le réseau informatique et la plupart des logiciels dont on se sert, ce sont, ce qu'on dit, open source. C'est sûr. Je n'ai même pas regardé. Mais je suis sûr que ici, vous avez un serveur Apache. C'est très performant. C'est un logiciel qui permet de distribuer les données par le web et c'est tout à fait open source. Ça veut dire que, en principe, je pourrais récupérer le source de ce logiciel, je pourrais le modifier, je pourrais le changer, je pourrais le distribuer gratuitement. Ok. Si ça, tout cela, ça marche pour l'informatique, pourquoi pas le faire marcher également pour les livres? Pourquoi pas le faire marcher également pour les ressources numérisées? Et il y a des projets qui sont en train d'essayer de faire pareil. Là, j'ai pris un exemple, mais ce n'est pas très visible. Et cette mentalité, c'est ça que je vois derrière l'expression de Manifesto Digital Humanities que j'ai trouvé sur le web. Comme tout le monde, quand on me dit on veut que tu fasses une présentation au sujet de X, ce que je fais d'abord, c'est de taper X à Google et de voir qui en sort. Alors dans ce cas-là, j'ai tapé Digital Humanities à Google et pof, j'ai retrouvé qu'il y a une équipe à l'Université de Californie à Los Angeles qui sont en train d'élaborer un manifesto de Digital Humanities. C'est vraiment un peu... Bon, je ne vais pas critiquer. Il y a des idées très, très intéressantes là-dedans. Par exemple, Digital Humanities n'est pas un champ unifié, mais c'est un ensemble de pratiques qui se convergent. Là, je suis d'accord. Qui sont en train d'explorer un univers où, d'abord, l'imprimé, ce n'est plus le seul médium de distribuer, disséminer la connaissance, la science, mais par contre, que l'imprimé se trouve absorbé par d'autres nouveaux configurations de multimédia. Et deuxième, que l'outillage numérique et médias ont tout à fait changé la production et la distribution de connaissances dans les arts et les SHS. Okay. C'est une belle phrase. Hein. C'est comme ça les manifestos. Hein. Ça vous dit quelque chose. Mais, ok, bon, j'ai pas le temps de présenter ça. Ce que j'avais l'intention de faire, c'était de... Parce que j'ai pensé que j'allais beaucoup plus vite normalement, et donc j'avais l'intention de vous démontrer quelques sites, mais j'en passe. Ok. Ouf, en plus ça ne marche pas. Je vais donner ces transparents, vous les aurez, vous pouvez bien sûr suivre à votre loisir ces liens. Ok, deuxième citation de ce même manifeste. Digital Humanities implies, ça c'est difficile à traduire, multi-purposing. Purposing, ça veut dire mettre, purposing. C'est finalité. Objectif, les plusieurs objectifs. Et des channeling, c'est des voies, ok, de connaissances humanistiques. Et tout canal permet aux autres également. Okay? Alors, c'est une économie qui est basée sur l'abondance. Okay? Une économie qui est basée sur l'abondance et non pas sur le scarcity, sur la manque. La rareté. Merci. Okay. Même que, bien sûr, il y a une crise financière qui est partout, surtout dans le monde académique. Mais même, quand même, il y a beaucoup de ressources numérisées disponibles déjà et on peut ajouter encore d'autres et il y a beaucoup de choses à faire avec. Et finalement, j'arrive sur ma dernier point majeur. Vous avez là, on est en train de numériser tout. On aura bientôt plus qu'un million de livres. C'est ça l'objet de Google, ok? Il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un million de livres numérisés? Qu'est-ce qu'on peut faire? Okay. Et on est en train d'élaborer une théorie de ce que mon collègue John Unsworth, l'Université de Illinois, il dit, il faut créer une nouvelle manière de procéder, c'est-à-dire comment non lire. Tout le monde sait très bien dans le monde de SHS comment lire des livres d'une attention très spécifique, mais il nous faut une approche différente quand il s'agit d'un million de livres. Bien sûr, il y a besoin de la lecture proche, mais également, et ça, c'est très difficile à traduire, il n'y a jamais un cas où nous ne lisons pas. Non, ça, nous ne lisons pas. Ok. L'absence de lire est toujours présente. C'est très important. Ok. Et qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ce qu'il veut dire, c'est qu'il nous faut des outils pour passer sur des millions de pages et d'en faire ressortir les choses importantes selon nos besoins, sans les lire. Ça veut dire, c'est un peu ce qu'on faisait à l'époque avec le Brown Corpus, avec ses 100, avec ses énormes millions de mots. C'est un peu ce qu'on faisait avec ces outils, que j'ai présenté des outils statistiques pour faire ressortir les patrons d'usage des mots d'un texte. C'est ce qu'on appelle maintenant le data mining, ça veut dire une manière d'entrer dans un énorme ensemble de données pour en faire ressortir des choses intéressantes et également de les visualiser. Ça, c'est le défi. Il nous faut de nouveau des manières de faire des recherches à travers ces énormes faits pour les décomposer et puis de les récomposer également. Les textes. Je répète là. Et donc, ça c'est un exemple un peu compliqué. Et je vais passer par ça. Sauf pour vous démontrer la manière où on a là un texte très très classique, mais qui met ensemble plusieurs composants, y compris dans ce cas-là une carte spécifique qui est liée à cette description-là. Ok, j'ai pas le temps, et bien voilà. Et finalement, je ressors sur un autre site pour savoir exactement ce qu'il y avait dans ce cadre de cette carte-là. C'est un simple exemplaire d'une possibilité de web, bien sûr, mais c'est l'application de plusieurs sites ensemble qui permet de faire cela d'une manière tout à fait doucement, d'aller d'un dans l'autre et de revenir sur mon texte original. Ok, je termine avec ce petit table qui est un peu pour souligner l'évolution sur les 30 ans passés. Alors, là vous avez l'environnement. Ça veut dire, on a passé du mainframe au personal computer et maintenant network. On a passé des outils comme les concordances dans le concept de e-text et donc finalement un digital resource qui est beaucoup plus qu'un texte. On a passé également d'une problématique de faire que des statistiques jusqu'à une analyse textuelle. Jusqu'à maintenant, le plus important, c'est de décrire les ressources afin qu'ils peuvent être mâchés ensemble. Mâchés ? Assemblés. Assemblés, oui. Mâchés, ça veut dire... Bon, ça, ce sont des noms d'informaticiens, ça n'a pas d'importance. Et là, par exemple, je présente les changements de manière de discuter entre collègues. À l'époque de LSI, il n'y avait que des conférences physiques. Hein, les conférences, les journaux, les médias, les revues. Les revues, merci. Puis on a passé aux emails, les listservs, finalement, au site web, au wiki, blog, etc. Et voilà, je pense. Non, je passe par ça. On n'a pas le temps. Dommage, mais... Tof. Si vous vous êtes intéressé, c'est un cas spécifique d'un projet que l'on a eu pendant ces 30 ans à Oxford. Et donc, ce que j'ai fait, c'est d'essayer un peu de nous mettre à jour sur ce projet en démontrant les démarches de ce projet depuis ses origines, écrit à la main, puis imprimé, et puis voilà, ça c'est le schéma d'une base de données de 1883. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Et maintenant, ils font partie d'un grand projet européen, Claros, qui est très intéressant. Ça ressemble beaucoup de partenaires européens qui sont en train de mettre ensemble ces données. Alors, à l'origine, le projet à Oxford, il ne s'agissait que d'une liste des noms classiques attestés sur les inscriptions classiques. Et déjà, c'est un projet d'intérêt. À Cologne, ils ont un grand archive qui contient des données sur des sculpteurs. Là, ils ont des images. Ici, à Paris, ils ont également un dictionnaire d'iconographie classique, surtout. Bon, ensemble, vous avez 2 millions de records qui traitent des mêmes objets de différents aspects. Alors, l'intérêt de ce projet, c'est de les mettre ensemble. Parce que tous ces projets ont élaboré leur propre système informatique. Ils ont tous une longue histoire, comme celle de Sir Hudson. Et donc, comment les mettre ensemble pour qu'un chercheur classiciste peut aller doucement de l'un à l'autre. Parce que tous leurs données traitent des mêmes objets, finalement, mais de différentes perspectives. Et donc voilà des images informaticiens, comme d'habitude. Et encore un. Et encore un. Ok. Je cherche toujours la traduction française de It's not rocket science. Ça veut dire que ce n'est pas tellement difficile. D'accord. Okay. Ce n'est pas aussi difficile que de mettre un homme sur la lune. C'est ça ce qu'il veut dire. Ok. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Ah, merci. Peut-être que tu pourrais me traduire tous les transparents. Ouais. Mais est-ce que tu me laisses l'autorat sur les... Tout à fait. Absolument. C'est Open Source. Alors, Creative Commons. Qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est la paternité, en fait, le terme en français qu'on cherchait tout à l'heure. Oui. Ah, ok. C'est plus simple. Paternité. Paternité. Ok. Ok. Alors. Ça, ce n'est pas de sorcière. Sorcier. Sorcier, parce que tous ces projets, en effet, se servent du même standard de représentation XMLTIA. Alors, il y a une sémantique, il y a un modèle conceptuel qui est présent, qui est commun entre tous ces projets. Ce n'est pas forcément bien exprimé, donc quelques-uns des cas, mais quand même, ça existe. Donc, c'est possible. Et tout ce qu'il faut, c'est de servir des technologies comme Unicode, par exemple, comme JavaScript. Mais surtout, doit y avoir une politique qui dit, pour nous, c'est important d'ouvrir nos données à des autres qui veulent mutualiser. Et ça, c'est le plus difficile d'établir. Et bon, avec ça, on peut repenser un peu ce que c'est qu'une édition numérique. Bon, là, j'ai beaucoup plus de difficultés. Et bon, voilà, j'ai fini. Des conclusions. Qu'est-ce que nous faisons, nous autres, dans les SHS? Quel est notre USP, notre Unique Selling Point? C'est, nous, on connaît les textes. On sait que c'est qu'un objet textuel. Pour nous, le texte, c'est important parce que ça représente un discours, ça raconte des histoires, et nous, on connaît combien expliquer ces histoires, ces contes, ces représentations. Leur magnétique, c'est notre boulot à nous. Et ça, c'est notre contribution à l'élaboration du web sémantique, dont on parle toujours après. Okay. Ça, c'est ma conclusion. Merci de votre patience. Vous n'avez pas interrompu, je suis très impressionné. Mais si vous voulez encore parler, je suis là pour ça. Ça va ? Merci. Merci beaucoup. Je précise que j'ai interviewé Lou il y a presque, enfin pas un an, mais il y a 6 mois à Oxford, que, en français, et que la retranscription du texte est simplement pas faite, mais pas corrigée, et qu'elle sera publiée, c'est sur l'histoire de la TI, et ce sera, de la TI, ce sera publié sur Blogging Miraculous, mais cette intervention va me forcer à sortir la... Mais... Pas forcément, parce que tu ne l'as pas fait. Si, si, fait. Pierre, tu avais une question. Oui, en fait, il y a quelque chose qui apparaît de manière très très claire en fait, dans l'exposé que tu as fait, dans la grande fresque historique que tu as faite. C'est qu'au tout début, donc, sur la première période, les LLC, les LLC sont portés par une, j'ai l'impression, enfin c'est ce que je fais, par une théorie scientifique forte en fait, qui est, on va dire, quelque chose comme relevant de la mathématisation des sciences sociales ou l'utilisation des méthodes, des mathématiques, en particulier des statistiques, dans les sciences sociales. Et il me semble d'ailleurs qu'on est dans les années 70, que ce que tu as décrit est une application sur un certain nombre de disciplines littéraires, on va dire, d'un mouvement qui est plus large et qui concerne d'autres disciplines. Je pense par exemple à ce qui a pu se passer en ethnologie ou en anthropologie à la même époque. Il y a un manuel d'ethnologie célèbre qui a été publié en France en 1975 qui s'appelle L'élément d'ethnologie par Robert Creswell et qui est très très mathématique aussi. Et donc on voit que dans d'autres disciplines, il y a un peu cette idée. Et il me semble aussi que pour les sciences humaines et sociales, il y a une espèce de, à cette époque-là, une poursuite de la scientificité ou une volonté d'affirmation de la scientificité. En lexicométrie, par exemple, il me semble qu'il y a une continuité avec, justement, dans cette idée de sortir les études littéraires du côté littéraire non scientifique, on va dire, et l'idée d'appliquer des modèles scientifiques d'analyse des textes en études littéraires, avec la lexicométrie. Alors, en fait, c'est problématique de dire scientifique, de dire formel plutôt que scientifique, non ? Oui, mais ça non, parce que... du sens que voilà. Non, mais justement, à l'époque, il me semble que les discours les discours d'accompagnement qui vont avec le développement de ces technologies et de ces pratiques, sont des discours qui parlent de scientificité et de caractère scientifique des recherches. Bon, c'est une hypothèse que je fais. Et par contre, je vais jusqu'au bout, puis... Ce qui me frappe, c'est que dans les deux autres périodes, on perd justement ce modèle théorique fort, et on a une espèce de régression, ce qui n'est pas péjoratif, hein, mais de retour vers des couches plus basses, en fait, qui est vers des outils, et encore même sur les ressources, en quelque sorte. La deuxième période, Humanities Computing, est plutôt sur les outils, on va dire, et là, c'est la notion de texte qui apparaît très clairement. Et puis, la troisième période, ce sont les ressources digitales, les ressources numériques. Et là, c'est vraiment les sources primaires qui sont le cœur, comme tu l'as dit. Alors, je voudrais savoir ce que tu penses de cette interprétation d'une évolution. Et ce qui me frappe, c'est est-ce que dans les deux périodes, donc on ne voit pas de théorie scientifique forte qui porte le mouvement de numérisation, est-ce que c'est un effet d'optique ou est-ce qu'il y en a une, mais qui est un peu cachée? Enfin, je ne sais pas. Je suis un peu de cette persuasion. Ça me semble évident que maintenant, surtout dans la période de Humanities Computing, il y avait même un petit peu de peur d'une scientificité, si je peux me servir de ce mot. On était sur le point vraiment d'être un peu évangéliste. On essayait d'évangéliser pour la numérisation, pour les méthodes soi-disant numérisées, sans trop compliquer les choses avec des méthodes très très formelles. Et de temps en temps, des historiens, par exemple Manfred, a souvent fait reproche aux gens de Humanities Computing parce qu'il n'y avait pas de théorie, précisément. D'accord. Et, par contre, il faut avouer que les bases formalisées de Linguistic Computing sont discutables. Ah oui. Ils sont, comme par exemple dans l'affaire de Time on the Cross, ça, c'est vraiment, d'un point de vue, c'est très réductionniste et ça perd le plus grand partie de ce qui est de plus important pour les humanistes. Les gens qui disent, ben, moi je suis entré dans le monde littéraire pour étudier la poésie. Je ne vais pas compter les syllabes. Je ne fais pas de science dure, moi. je suis là pour apprécier les beautés de la littérature, blablabla. Il m'est arrivé de rencontrer des gens comme ça, souvent. Et bon, il ne faut pas rigoler avec, parce que finalement, c'est une espèce de théorie. Ils ont le point de vue sur ce que c'est que la recherche, sur ce que c'est que la science. Un autre mot que je dis souvent pour être provocasse, c'est que pour moi, l'informatique, c'est un des humanités. Okay? L'informatique n'est pas forcément des méthodes numériques que vous avez en tête, que les méthodes numériques des mathématiciens. C'est plutôt une question de modéliser. Alors, nous, les humanistes anciens, des vieux écoles, ce que nous faisons tout le temps, c'est de modéliser des concepts. Quel est l'intérêt d'étudier un texte littéraire? C'est peut-être de reconnaître dans ce texte des modèles, soi-disant des modèles de conte, des modèles narratifs, des thèmes narratifs, des thèmes de personnages, etc. Tout ça, ce sont des abstractions. Alors c'est la procédure de créer des abstractions. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait quand on numérise un fond en se servant d'une base de données, par exemple. On fait une modélisation des concepts présents dans l'ensemble des données. Alors, il n'y a pas tellement de différences. Par rapport à ces modèles abstraits, est-ce que vous pensez qu'on va quitter en quelque sorte le modèle analogique? Ah oui, tout à fait. Par rapport au livre, notamment. Mais quand vous parlez d'un modèle analogique avec le livre, ça veut dire tourner les pages, Ouais. C'est un des plus grands débats dans le monde du TI, c'est est-ce qu'il faut modéliser la paraphysique du texte ou la modèle, abstrait du texte qui est représenté dedans. Et ça, c'est un grand débat. Par exemple, si vous êtes, vous n'êtes plus éditeur, donc, mais il y a ce qu'on appelle l'édition génétique. C'est une école très importante ici en France. Et ce qu'on fait, c'est on prend par exemple tous les manuscrits d'une œuvre. Il y a deux projets qui s'occupent de Flaubert. Donc Flaubert, lui, il a écrit des manuscrits, bien sûr, mais il a rassemblé pour faire ses œuvres, ses romans. Il a pris des petits morceaux des idées qu'il a notées quelque part, il les fait ensemble, il les transforme, il change son avis, il fait des ratures, bien sûr. Alors, l'idée pour eux, l'important, c'est de comprendre comment, en sortant de ces petits bouts de papier, est sorti le texte de Madame Auvoir, disons. Okay? Et le texte, c'est une abstraction, parce que, évidemment, ce n'est pas Madame Bovary, il n'a pas une seule état physique. Mais ces manuscrits, ils ont plus. Chaque manuscrit a un fond physique spécifique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est par rapport à la bibliothèque numérique et la place d'un livre dans cette bibliothèque, voilà, par rapport aussi à la textualité. Par exemple, si on prend un livre dans une librairie, et il apparaît sur une table, et il apparaît un certain horizon de parce que c'est un objet physique. Donc il est circonscrit dans quelque chose, dans une expérience donnée, par rapport à une attente, etc., à la réception. Est-ce que il y a des façons, est-ce qu'il y a une persistance en quelque sorte du modèle analogique? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait persistance du modèle analogique dans l'expérience? C'est le médium et le message qui ont tout ça aussi. Oui, je comprends. On est obligé au départ. C'est vraiment une question dans l'évolution des technologies, n'est-ce pas? Ouais. Pour moi, c'est intéressant de. J'ai fait une blague il y a quelques minutes au sujet du Kindle. Mais le Kindle me semble très intéressant parce que là, ce qu'on a fait, c'est de se dire, ok, on sait très bien comment les gens aiment avoir quelque chose de physique, comme un livre. Alors on a fait du Kindle quelque chose qui ressemble au plus proche à un livre existant. C'est noir sur blanc, c'est juste à peu près la même taille qu'un livre normal, etc. Mais on a des possibilités qui ne sont pas fausses, qui n'existent pas chez les livres physiques. Par exemple, on peut tourner la page comme ça, on peut rechercher des mots comme ça, etc. Et puis, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais c'est évident qu'en essayant de vendre, finalement, des textes numérisés, le point de départ, c'est de faire quelque chose qui ressemble au livre classique, mais qui a un petit peu plus de fonctionnalité. Il n'y a pas, jusqu'à là, personne ne s'est dit « Ah, mais si on a changé la manière tout à fait de présenter ce truc-là, ce ne serait plus un livre, ça serait quelque chose d'autre. » C'est ce qui est tout à l'heure quand il dit qu'il faut apprendre à ne pas lire. Oui. Le pas lire. Le pas lire. Il faut lire sans lire. Oui, oui. Oui, exactement. C'est ça que j'avais fait. Si je pouvais justement enchaîner sur cette question de lire et de ne pas lire, vous citiez tout à l'heure John Ansbury. We never don't not read. Oui. Et moi, je vous demande si on regarde le côté de l'usage de la lecture. Parce que la lecture est bien sûr aussi plus pratique. Je me demande si dans votre expérience, il y a vous avez observé une évolution vers de la pratique de la lecture, lire un million de livres, bien sûr, on ne peut pas faire exactement comme avant. Et mon hypothèse, ou alors je ne sais pas si vous pouvez développer sur cela, qui sait, est qu'on a une sorte de retour à une lecture pré-orale. Quand je dis lecture pré-orale, je pense à comment on lisait avant l'introduction de la lecture mentale, entre guillemets. C'est-à-dire, aujourd'hui, on lit, on ne bouge pas les lèvres, on ne parle à la voix haute. Mais, jusqu'au Moyen-Âge, la lecture était un acte public. Est-ce qu'on peut considérer que les nouvelles formes d'écriture entraînent des nouvelles formes de lecture qui sont une pratique publique? Voilà, tout simplement. C'est ça. C'est sûr que c'est une différence comparable. Je suis d'accord. Sur le point de si ou non c'est public, je ne sais pas. Ça permet vraiment de partager les résultats. Et, par exemple, il y avait une fois, si je me souviens bien, peut-être que c'est toujours là, on pourrait voir quels sont les mots qui sont à présent recherchés sur Google. Alors, on peut voir quels mots sont les plus fréquents search term sur Google. On peut, c'est un peu pareil à ce qu'on voit sur Twitter. Comment ça s'appelle les hashtags. Oui, les hashtags qui sont le plus évoqués à présent. Dans ce sens-là, il y a une connaissance d'une lecteur. Dans ce cas-là, c'est une cas de recherche publique qui est intéressante. Mais je ne vois pas au-delà de ça, je ne suis pas sûr. Mais c'est une belle question. Oui. Face au développement exponentiel des ressources sur l'université, est-ce qu'il y a des outils de recherche des communautés de chercheurs qui ne soient pas à Google, justement, pour accéder à des données de manière plus fine que d'un peu. Et quel que soit-il, enfin. Il y a beaucoup. Normalement, bon, j'allais ajouter quelque chose sur l'évolution des outils, mais j'ai raté. Aux années 70, 80, etc., l'outil, c'était vraiment une machine à gaz. Usine à gaz. Usine à gaz. Une usine à gaz qui fait tout. Hein. Des énormes logiciels qui étaient très difficiles à maîtriser. Et dès que vous l'avez maîtrisé, n'allez pas rechercher un autre. Parce que ça fait beaucoup trop d'efforts pour comprendre encore un de ces outils. Et donc ça a limité un peu les possibilités. Maintenant, tout est transformé parce qu'on a vraiment une ambiance informatique où il est question de prendre des petits bouts d'outils, de les mettre ensemble, de travailler ensemble. Ça permet donc d'élaborer des outils très performants, mais très, très restreints de capacité, vu en isolation l'un de l'autre, mais qui font partie de tout un outillage beaucoup plus grand, disons. Et c'est pour ça que j'hésite de dire, bah, il y a tel ou tel logiciel qui fait telle ou telle chose, parce qu'il y en a beaucoup. Mais par exemple, il y a au moins 5 ou 6 outils très performants pour, simplement pour faire des recherches dans des bases textuelles XML. Lui, il m'a fait penser en d'un autre ce matin. Je ne connaissais pas, mais ça arrive. Cela ? Oui. Okay. Ben, je ne sais pas si cela répond à votre question, mais c'est seulement pour dire que on est vraiment dans une situation nouvelle où on peut dire, ben, moi je veux un outil qui fait ça. Et je vais rechercher et vous allez trouver plus ou moins quelque chose qui va ce que vous voulez faire. Si vous avez la chance d'avoir un ami informaticien, vous pouvez lui dire, bon, je veux ça, mais avec, disons, couleur rose. Alors changez-moi ça et on peut le faire. C'est juste un peu près. Bon, je te regarde parce que tu es là et puis tu connais beaucoup mieux que moi l'état en informatique ici en France. Okay. Oui. Internet Archive, qu'est-ce que vous pensez de Internet Archive? Internet Archive, c'est un projet aux États-Unis qui s'est donné le projet de faire, comment ça s'appelle, quand on prend une photo, c'est un chandail. Oui, les photos instantanées de l'état de web à un moment précis. Et donc, ça permet une espèce de pérennité. Parce que, comme j'ai déjà dit, le web, c'est toujours changeant. Mais si vous parlez avec les experts de la pérennisation des données, ils vont vous dire, ben, c'est pas... Bon, l'Internet Archive, c'est quelque chose, mais ce n'est pas tout. Il y a une grande partie du web qui n'est pas archivée, qui n'est pas archivable. Parce que ça change tellement vite. C'est un flux de données. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut éternuer, perpétuer. C'est vrai, ben, je sais que tu t'es intéressé à ça parce qu'on a fait des échanges là-dessus. Tu pourrais lui répondre. La question, c'était qu'est-ce qu'Internet Archive ? Oui, en fait, oui, qui est derrière ça ? Ah, qui, bah, c'est une fondation. C'est une fondation avec pas d'objectif de profit et qui a développé un certain nombre de technologies qui sont utilisées par la BNF. Le dépôt légal électronique français à la BNF, il est fait en partenariat avec Internet Archive. Donc c'est eux qui ont lancé l'Open Book Archive, l'Open Book Alliance, pardon, qui est un concurrent de Google Books. Alors, Google Books a numérisé 8 millions de livres, tu disais 1 million, mais c'est 8 millions. Et Open Book Alliance en a numérisé 1 million, 1,4 même, pour être plus précis. Et c'est une alliance notamment avec Yahoo et d'autres opérateurs, notamment des bibliothèques. Donc, en fait, c'est une tentative à l'américaine de créer dans l'esprit public du bien public plutôt que dans l'esprit du bénéfice privé un sauvetage du patrimoine numérique de l'humanité avec différents axes, parce que Internet Archive, ce que tu as cité, c'est l'approche la plus connue, qui est l'Internet Web Art Machine. En fait, c'est une des fonctionnalités, c'est la fonctionnalité fondatrice d'Internet Archive, mais après ils ont ouvert la possibilité de déposer vous-même, vous pouvez déposer des sons, des images, des vidéos. Et d'ailleurs, on est en train d'enregistrer le séminaire, on va le déposer sur Internet Archive, en son. Internet Archive, contrairement à YouTube, pour donner un exemple, à chaque fois, ce qui est intéressant avec Internet Archive, c'est qu'ils sont attaqués à peu près tous les dossiers. Du coup, c'est pas toujours hyper propre notamment en termes d'interface, mais même en termes d'encodage. On a rencontré le problème hier. Les encodages européens ne sont pas nécessairement très bien respectés. Mais sur YouTube, par rapport à Internet Archive, il y a une différence énorme. C'est-à-dire YouTube vous prend votre fichier et le transforme en flux, point. Et donc, en fait, ce que disait Lou sur le fait que les biens numériques ne sont pas rivaux entre eux, hein, ce qu'il disait, c'était ça, que c'était des biens non rivaux alors que les biens analogiques sont rivaux. Hein, parce que quand vous donnez un livre, vous ne l'avez plus. Quand vous donnez un texte numérique, vous pouvez le conserver. Bah, c'est la même chose, mais YouTube, en fait, recrée de la rareté puisqu'en fait, vous devez revenir vers lui pour consommer à nouveau le flux. Donc, c'est une astuce technologique qui vous permet de vous fidéliser et de vous capter et de vous faire revenir. Internet Archive n'ayant pas cette visée-là, cet objectif-là, il traduit votre fichier en flux, parce que c'est utile aussi de pouvoir aller sur le site et de consulter en flux la vidéo, donc c'est un service utile, mais il vous permet aussi de le télécharger en format OGG et en format MPEG, etc., parce que vous pouvez en avoir d'autres usages. Et là, il y a une logique d'usage et d'accessibilité et de pérennisation qui est très différente des approches de privatisation de type Google Books, de type YouTube et d'autres types tels que Amazon ou iTunes. Donc là, il y a vraiment deux logiques. Malheureusement, les forces en présence sont relativement déséquilibrées parce qu'effectivement, d'un côté, il y a l'industrie, les industries culturelles qui sont assez puissantes et qui mettent en place des outils attractifs, commodes, et de l'autre, il y a des fondations ou des États ou des organismes publics qui essayent de travailler dans l'esprit public, et là, ils ne sont pas assez nombreux. Malgré tout, il y a quand même des initiatives, et le logiciel libre a paru être à court de puissance dès les années 80 avec l'émergence de Windows et tout ça. En fait, on se rend compte qu'en prenant son temps, il a fini par rattraper pour l'essentiel et pour beaucoup de choses, voire dépasser le logiciel propriétaire. Donc, si on pouvait conclure sur ça, parce qu'ensuite, je pense qu'il faut qu'on clôt la séance. Mais on pourrait dire que, pour revenir sur la théorie, il me semble que tu as insisté sur la question de la temporalité scientifique, qui n'est pas du tout la même temporalité que la temporalité commerciale. Et donc la temporalité scientifique étant celle aussi des biens communs, hein, du patrimoine de l'humanité, il me semble que la théorie n'a survécu que parce qu'elle avait une vocation universelle. Par rapport à d'autres formats d'encodage, comme le format Word, par exemple, qui en a eu 25, et qui ne se survivent même pas eux-mêmes. Hein, on sait très bien qu'on est dans une logique. Mais il n'y avait pas pas d'ambition. Il n'y avait pas d'ambition d'être. Au contraire, voilà. Il y avait l'ambition de se remplacer à chaque version de Word. Et du coup, on peut quand même imaginer que même dans le cadre d'une privatisation massive et très très puissante, avec la mise en place de hubs de concentration de la diffusion culturelle privée très inflationniste, au niveau des prix, et aussi très monopolistique au niveau de la liberté d'expression culturelle, malgré ça, on puisse faire cohabiter d'autres canaux qui pourront, dans un second temps, faire pendant. Aujourd'hui, ça ne fait pas le poids, hein, c'est clair, sur les livres, sur la musique, sur la vidéo, ça ne fait pas le poids. Mais ça existe. Pierre, tu veux dire un truc? Lou, tu veux dire une autre conclusion ou... Merci pour m'avoir invité. On te remercie beaucoup et puis donc à bientôt sur le web. Alors. Merci de votre attention.